Messieurs, dames, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans l'Instant Groove. L'Instant Groove, c'est une heure de découverte de la musique électronique, de la house music, du dub à la techno, en passant par les synthétiseurs qui vous feront frissonner de la tête aux pieds, mais aussi c'est du trance rock. Aujourd'hui, j'accueille Aya, je suis très honoré de les accueillir. Bonjour Aya, comment allez-vous aujourd'hui? Salut Nathan, bonjour à tous. Et je suis toujours accompagné de ma co-animatrice Lucie. Bonjour Lucie, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien, merci Nathan, bonjour Aya, bonjour à tous. Salut Lucie. C'est une grande première pour l'Instant Groove, nous sommes honorés de vous accueillir ici parce que vous êtes un groupe de trance rock et c'est la première fois pour nous. Bah, c'est un plaisir. J'aimerais commencer directement par une petite question. Comment vous avez commencé la musique? Voilà, une petite question classique. Ok, comment on a commencé la musique de manière générale ou nous deux ensemble? Allez, Aya d'abord. Aya, comment on a commencé la musique? Bah, on se connaissait un petit peu avant de monter le groupe avec Yannick. Et du coup, assez simple, on a commencé à faire du son dans notre petit local, dans notre studio. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à créer des sons, des bonnes parties. Tout à fait. Pendant 6 mois, on s'est enfermé et puis on a créé notre premier EP. C'était en quelle année, ça? C'était en 2017. Il s'appelait Trap. Trap, exact. Ah. Ouais. Et ensuite, il y a eu un autre EP? Et ensuite, en 2019, ouais, on a sorti l'EP Feuille, ouais, son titre. Comme votre ingé son. Comme notre ingé son, ouais. Paul, si tu nous écoutes. C'est un clin d'œil, ouais. Eh bien, commençons tout de suite par écouter une de vos tracks du nouvel album Chachou, qui sort le 20 septembre. Exactement. Qui est sorti hier, du coup. Oui, parce que du coup, on est samedi à 20h. Oui. Exactement. Allez écouter ça. C'est quoi? C'est Hamac, du coup, qu'on va écouter là? Ouais, on peut partir sur Allez, Hamac. C'est parti. We'll be right back. On vient d'écouter donc un titre de l'album Chachou. C'est quoi l'histoire derrière ce nom? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Derrière le nom Chachou? Ouais. C'est le nom d'une pote. C'est super simple. On se casse pas trop la tête généralement pour choper les noms de morceaux. Vu qu'on n'a pas de parole, eh ben on peut mettre exactement ce qu'on veut. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique. Et elle était au courant que ça allait être ça? Elle était là, on était en train de se boire une bière ensemble quand on a décidé. Et s'il n'y avait pas eu ce rassemblement en train de boire une bière ensemble, ce serait sûrement pas appelé Chachou. Ouais. C'est sur le moment, tu vois. Bah vivement qu'on boit une bière avec Ayane. Ouais, voilà, hein. Pour le prochain, peut-être. On entend quand même que ça tabasse, on peut pas nier que c'est très fort et c'est très bon. Surtout que là, ça a commencé très très fort. Est-ce que vous avez des influences dans vos musiques qui font que vous jouez ça, quoi? Vous jouez Aya? Des influences, bah ouais, hein, beaucoup de concerts qu'on va voir, tout ça. Tu veux des noms de groupes, ouais. J'imagine. Mm-hmm. Bah, si t'en as. On nous compare souvent, enfin on fait souvent le rapprochement à un groupe qui s'appelle La Jungle, okay. Des Belges. Aiming for Enrique. Ça c'est un duo aussi guitare batterie qui défonce pas mal. Ouais. Quoi d'autre? Bah si, Westlift, Wizard, Lysistrata. Ouais. Bah, beaucoup de rock français quoi actuel. Ouais. Trop bien. C'est ouais. Ça. J'espère que les auditeurs ont pris un crayon, un papier, qu'ils ont tout ouais. Noté. Bah, c'est que du bon là. Ouais. Ok, trop bien. Non. Lucie me dit non du regard. Moi je dis oui, Lucie. On dit tout de suite. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter sur l'enregistrement de Chachou ou aussi la question qui arrive après, c'est une anecdote sur un concert qui vous a marqué, qui soit bonne ou mauvaise quoi. Est-ce que quelque alors, chose te vient en tête de Chachou? Qu'est-ce que ouais, une anecdote, c'est qu'on peut dire que. Donc il y a 5 titres sur le disque, on en avait enregistré 5, ça fait il y a longtemps. Et il y avait un titre qui nous plaisait pas forcément, qui nous parlait pas tant. Et on s'est dit non, il faut qu'on... On peut pas le mettre, il nous parle pas dessus quoi. Ah oui ok, donc il a été enlevé. Du coup, oui, il a été enlevé, il a fallu qu'on recompose un titre pour le remplacer, parce qu'on voulait 5 titres sur le disque. Donc ça, c'est un peu une petite anecdote. Ouais. Hein. Oui. Et du coup, ça s'est fait sur du long terme, en fait, l'album. Ouais. Ça fait... Tu vois, le deuxième EP, il est sorti en 2019. Mm-hmm. Donc là, il sort en 2024. Tu vois, il y a eu quand même un bon laps de temps. Ouais, quand même. Et on est dessus depuis longtemps. Quand même, il y a des morceaux de ce dernier album qu'on joue en live depuis quand même quelques années, depuis 3-4 ans. Et du coup, c'est l'avantage d'être indépendant aussi, d'avoir notre studio. On fait tout à la maison. Donc... Studio Pandore. Exactement. Ouais, on va au rythme qu'on veut, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est cool. Ouais. On n'est pas pris par le temps. C'est hyper important, je pense, pour vous, de justement avoir ce temps-là pour créer, quoi. Ouais. Ouais, exactement. On est pressé par rien du tout, quoi. C'est ça. À part la météo, des fois. Mais... Ouais. Ça, c'est l'anecdote du Tarou Fest. Oui, par exemple. Non, et c'était quoi le... Est-ce que t'as une bonne anecdote ou une mauvaise anecdote sur un concert qui t'est arrivé, un truc qui vous a marqué, quand même Je pense qu'il y a chacun un petit truc ou pas. Il y en a, après il faut les retrouver là. On est lundi, hein, chers auditeurs, ouais. On a le droit d'être un peu en galère là. Alors tous les concerts sont uniques. Ça c'est vrai. Mais ouais non, on passe toujours des très bons moments en concert. Il faut dire que vous revenez d'une sacrée tournée les gars quand même là. Ouais c'est vrai. C'est vrai que l'été fut bien chargé. Intense, ouais. On a eu un été bien chaud, ouais. Ah, il a été au Cabaret Vert quand même. Ouais, c'est vrai. On a fait l'ouverture du cabaret. Ouais, exceptionnel. Il y avait du monde. Ben il y avait du monde à notre bonne surprise, ouais. Ah, notre grande bien. Surprise, ouais. Ouais. On a joué à 17h le jeudi et on pensait pas qu'il allait y avoir trop de gens, tu vois. L'ouverture du site étant une heure avant, donc mais les gens étaient là et c'était bien blindé, donc. Et vous avez eu une bonne météo. Et la météo, on a pris des coups de soleil, ouais, sur ça. Ouais, avec le soleil en face. Génial. Ouais. Oh ben on va se mettre quel morceau alors, je vous écoute pour savoir. Tu peux mettre Manoir si tu veux. Allez, ouais. On va se mettre Manoir. Let's go. Oula. Oh yeah. Messieurs, toujours sur l'Instant Groove sur Radio Fagette avec Aya et ma co-animatrice Lucie. Messieurs, parlons collaboration maintenant. Si vous pouvez un jour travailler avec n'importe quel artiste, n'importe lequel, avec qui ce serait ? Oh, très bonne question. Incroyable. Michael Jackson. Ouais, moi j'allais dire Johnny, tu vois. Vous avez le droit à une réponse chacun et une réponse Aya. Ouais. Ok. Non, en vrai. Après, il y a plein de groupes. J'avoue, pour le trip, on peut même les gens qui, oui, les groupes qui sont plus, oui, existants ou morts. Oui, morts. On a le droit aux morts. À Nirvana, quand même. Mmh, ouais. Ok. Ouais, ouais, je peux comprendre. Ouais, moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec mon batteur. T'as pas un truc perso, toi, un truc de cœur En vrai, c'est dur, hein. C'est dur comme question. Parce que... Il y a trop de choix, quoi. En fait, il faut connaître les humains. C'est ça qui est important. Oh, c'est trop beau. Bah, d'ailleurs, l'instant groupe, c'est un peu ça, c'est découvrir vous, quoi. Qui vous êtes. Non, bah, des groupes de copains, quoi. Oh, c'est beau. Mais oui. Un groupe qui s'appelle Bilal, par exemple. Allez. Incroyable. De Lyon. Et si, vas-y, Elie. Vous aviez déjà travaillé, enfin, ou déjà, non, eu l'occasion de travailler avec eux, pas du tout ? Non, on a travaillé avec d'autres projets. On a fait un projet commun l'année dernière avec trois autres projets, parce qu'on était accompagné par une salle qui s'appelle le Gueulard Plus. Et à la fin, on a clôturé avec un concert en quadriphonie, donc on était tous. Incroyable. Un projet chacun au coin de la salle, et puis le public au milieu. Et on a chacun fait des titres des autres. Et c'était un bon moment, quoi. Ouais, c'était une bonne expérience. Quadriphonie, ça devait être assez impressionnant. Sinon, ça nous a permis de bosser avec des chanteurs, chanteuses, sur un projet comme le nôtre où il n'y a pas du tout de voix. Donc c'était hyper intéressant. Ouais. Mm-hmm. Et un lieu que vous aimeriez jouer de rêve. Ouais. Je sais pas, sur la plage. Hein. Là, sur la plage, ouais, c'est pas mal. La paillote, une petite paillote. Ou dans un kebab. J'adore ça, c'est moi. Vraiment. Si je vous invite dans un PMU, les gars, vous venez ? De toute façon, du moment que c'est la fête, qu'il y a un petit coup à boire et qu'on peut déjà faire joué du gros son. Dans un PMU. Oui. Génial. Ah ouais, bien sûr. Mais c'est trop bien. J'adore ça. Bah oui, il y a une bonne ambiance. Hein. Les gens sont. Il y a du bon lien social. En fait, tous les lieux sont cool. Du moment qu'il y a l'ambiance et que les gens sont taqués, c'est le principal. Mm-hmm. Et si. Là, votre album Chachou, vous le marierez avec un plat, parce que moi je suis un grand gourmand, et une boisson, ça s'accompagne avec quoi alors ? Voilà. Kebab, hein. Ah ouais, un kebab. Un bon kebab avec une bière un peu chaude sans bulle. Ouais, une pisse chaude, ouais. Génial. Mais ouais, je pense que ça donne envie. Ah ouais, c'est impeccable. Ça sent le festoche, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est. Mais c'est une musique festive. Ouais. Bah quand on fait une tournée comme vous, voilà, que ça, quoi. Bah oui, on prend ce qu'il y a, quoi. et ça nous ravit. Et on est content. Oui. Alors qu'est-ce qu'on va s'écouter là ? Lucie, t'avais une petite question. On est comme à la maison là ce soir. On est vraiment dans un salon avec Aya, quoi. Bah oui. On est bien ici. On est bien. Ouais, on est bien installés. Ouais. Tu nous as parlé tout à l'heure. Enfin, vous nous avez parlé un peu du studio. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le travail des fois que vous menez en studio ? Ouais. Bah en fait on répète au studio, on enregistre au studio, on mixe aussi au studio. Du coup, comme on disait tout à l'heure, on a le temps de bien préparer ça, on peut très bien sur des phases de création composer la musique, l'enregistrer en même temps pour pouvoir se réécouter directement après, choisir un peu les bonnes parties, tout ça. Donc ça c'est un luxe et un avantage, clairement. Et après ça se fait petit à petit. Ouais. C'est cool, quoi. Mmh. Ah ouais. Okay. En période de composition, on se voit quasiment tous les jours. Ouais. On bosse et puis. Et on se supporte encore. Hein. Ouais. Et puis en concert, période de concert, on répète pas. Enfin, on n'a pas besoin de répéter. Et les balances. Oui, quoi. C'est ça. On a des grosses phases en fait de composition, enregistrement, tout ça. On est beaucoup au studio. Mmh. Après l'été, c'est plus les concerts. Là, cet été, on avait deux concerts par semaine, à peu près en moyenne. Mais c'est clairement des concerts où vous vous améliorez, vous faites des entraînements, quoi. Parce qu'en fait, c'est même des concerts, quoi. C'est. Mmh. Ouais. Puis t'as pas besoin de répéter, du coup. Quand tu fais que t'en fais deux par semaine, tu vois, tu sens que voilà, t'es encore bien du week-end d'avant. C'est comme le vélo, quoi. Ouais, tout à fait. Exactement. Très bien. Qu'est-ce qu'on s'écoute, les gars, là, de Chachou? On peut se mettre Bob. Allez, c'est parti. Bob. Ouais, ça part sur Bob. Est-ce que c'est par rapport à Bob en Belgique, celui qui conduit et qui ne boit pas, là? Vraiment pas. Allez, hop. C'est par rapport à un palindrome, hein, si je ne m'abuse. Exactement. C'est fort. Je l'ai eu en off, les gars, désolé. C'est parti pour Bob. Sur l'instant groove. Avec Aya. C'est pas Bob apparemment, donc je vais lancer Bob en fait. Désolé chers auditeurs, là c'est Bob. We'll be right back. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove avec Aya, et c'est quand même le feu. C'était Bob de leur dernier album Chachou qui sort, bah du coup qui est déjà sorti. Qui est sorti hier. Qui est sorti hier, qui voilà. Qui est sorti le 20 septembre. Voilà. Est-ce que vous avez un plaisir coupable en musique que vous avez envie de nous partager, un artiste, une musique? Plaisir coupable. Moi j'aime bien les musiques... j'aime bien la musique un peu mongole ou tout ce qui est... Un groupe s'appelle Unhurtu. Ils font des chants un peu diphoniques comme ça. Des trucs genre... comme avec ça. Des petits tambours. Ah, j'adore. Ouais, et ça me relaxe bien pour méditer ou... Pour sortir un peu en fait, de ce qu'on écoute d'habitude. C'est bien oui, aussi okay. De changer un peu l'esprit, ouais. Tu médites du coup? J'aime bien les moments de pause, ouais. Ça m'arrive de temps en temps, quand je fais un peu d'étirement et tout en tant que batteur, j'ai des maux de dos partout, c'est chiant. Okay. Mais du coup, tu vois, ça m'arrive de relaxer, de détendre et d'écouter, ouais, entre autres ce genre de musique, ouais. Trop bien, ton plaisir coupable. Ah, ouais, donc moi, bah, alors, franchement, je réfléchis, mais le truc c'est que je réfléchis tellement lentement que, que je ne saurais te répondre forcément des trucs, hein. Ouais, ça va, il nous reste 25 minutes. Hein, bon, bah alors, attends. Bah, je te répondrai peut-être après à cette question. Non, il n'y a pas de souci. Du coup, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit, mais j'ai oublié. Donc, tu vois, ça arrive aussi. Nickel. C'est une émission un peu bizarre pour moi, là. Qu'est-ce que tu m'as dit, là? Je parlais de... Ah, tu médites, ouais. Ouais, de méditation. Ah, bah voilà, c'est comment tu gères ton stress, toi, avant de jouer? Bah, parce que, voilà, moi, je t'ai parlé de mon pipi stress, tu vois. Je bois de la bière. Ok. Ouais. Non, en vrai. Ça marche en vrai. En vrai, il y a toujours. Il y a toujours un peu de stress parce que c'est cool de stresser. Mais c'est pas trop fort non plus, tu vois. On a plus. Oui, c'est du bon stress, quoi. Puis on joue souvent tard. On nous programme souvent tard, tu vois. C'est un style où on fait la fête, ça fait la teuf. Du coup, on joue assez tard. Donc au bout d'un moment, on a juste envie de jouer. Du coup, c'est plus du stress, ouais. C'est du stress qui se transforme un peu en attente et ensuite en pression, quoi. Tu okay, vois, un peu, genre, on veut le faire, quoi. Il n'y a pas de toc de mouvement et tout, parce qu'il y a des DJ qui ont des tocs de mouvement, j'ai remarqué ça. C'est pour ça que j'ai créé cette question, tu vois. Ah ouais. Non, ouais, nous, on a vraiment, à chaque fois qu'il y a un concert, on a trop hâte d'y être, quoi. Ok. Et, et on attend que ça, quoi. Et dès que la soirée commence, on se dit, ouais, on a envie de faire du rock. Et du coup, on a parlé de bière, donc je vais devoir dire que l'alcool est à consommer avec modération, mais ça vous est arrivé d'un peu abuser avant et d'arriver pour jouer et dire vraiment, ouais, merde. Vraiment jamais. Ok, ouais, parce que vous saviez que vous devez jouer, quoi. Non, le problème c'est que bah, ça marche avec, quoi. Donc, ah oui, d'accord. Bah on va pas se mettre de mine pour jouer. Non. Mais par contre. Moi, j'ai toujours ma petite bière pendant mon live, sur ma pinte à côté, c'est bon. C'est ma petite hôte de concert, quoi, tu vois. Ça fait partie du show. Lucie? Est-ce que vous pouvez nous parler, pardon, de vos fans? Nos fans? Est-ce que vous en avez? Est-ce qu'il y a des proches qui vous suivent depuis toujours? Est-ce que vous en découvrez au fur et à mesure, des gens qui vous connaissaient pas et qui vous connaissent maintenant? Ouais, bah là, cet été, on a tous les concerts que... Maintenant, ouais, quasiment à tous les concerts où on va, il y a des gens qui nous connaissent. On croise des copains partout, quoi. Donc ça, c'est cool. C'est marrant de voir des gens qui suivent un peu le projet, que ça leur fait plaisir, quoi. Et nous aussi. Hein. Est-ce que vous avez récemment joué en Bretagne? Est-ce qu'il y avait quelqu'un que vous connaissiez en Bretagne? Ah ouais, bah, exactement. Une bonne bande de potes qui sont venus à une vingtaine. Et vous étiez au courant? Et bah, ils ont pas réussi à nous le cacher si longtemps qu'ils auraient voulu. Ouais. Ah, trop drôle. En gros, ouais, non mais ouais, c'est vrai que on a l'impression que la France est un village. Hein. C'est incroyable, non mais c'est incroyable. Et ça, c'est assez fou. Ouais. Est-ce que vous auriez justement un petit mot à leur dire? Eh ben, un gros merci. Ah bah, un gros merci. Et puis ils sont trop chauds, quoi. Ils sont trop chauds de venir et de participer à cette fête-là. Ça nous donne encore plus envie de faire la fête. Et on va parler maintenant du sujet incroyable. Vous allez organiser une super soirée. Ouais, c'est ça. Exactement. À l'autre canal. Dans très peu de temps, ouais. À l'autre canal, dans le club de l'autre canal, le 26 septembre. Ce jeudi, là. Ouais. Ouais. Exactement. Ça va être incroyable. Ouais, avec, deux autres groupes de rock. Donc, ouais, l'autre canal nous a permis de faire la programmation. nous donner carte blanche sur la programmation pour notre release party. Donc il y aura Bonsoir d'être là, un duo de Saint-Dizier, rock, guitare, batterie aussi, qui envoie bien bien. Et Miss France, un groupe de Parisiens okay. qui défonce aussi, c'est du punk hardcore. Et franchement... ça va être la teuf, faut venir. Ouais, faut venir. Ah, oui. Vous pouvez prendre les places sur le site de l'autre canal, c'est dispo. C'est pas trop cher, pour, c'est pas cher du tout même pour voir... Pour trois groupes comme ça, ouais. comme ça. C'est 5 euros avec la carte et 10 euros en pré-vente. En pré-vente et 12 euros sur place, ouais. Ok. Ça, ouais. Et... Putain, mais j'ai pas de cerveau aujourd'hui, c'est terrible. Désolé. pas de soucis. Vous jouez premier, dernier, vous jouez... Là, on joue en dernier. En dernier, oh, ouais. Oh yeah. Ouais, ouais, on clôture la soirée. Oh bah je serai sobre, c'est ça qui est bien. Ouais, oui. Oui, bah nous aussi. Lucie, t'as d'autres questions? Est-ce que vous avez un petit mot, une petite phrase, un petit mantra que vous avez envie de nous partager pour... L'émission, elle a créé cette question-là, en fait. Tu vois, c'est okay. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous porte dedans maintenant, genre par exemple, c'est un mantra que vous avez eu tout le temps ou c'est un mantra qui vient d'arriver maintenant pendant l'émission, tu vois, par exemple. Il y a un truc qu'on se dit souvent, le rock'n'roll. ouais. C'est notre ligne directrice. Hein. Votre mantra à vous. Exactement. Ouais, voilà. C'est un très beau mantra. J'ai envie de le crier aussi. Rock'n'roll. Ouais. À fond. Comment? T'allais dire un truc. Ah oui, non, je disais, ça faisait penser à une citation qui dit « On n'arrête pas un peuple qui danse ». Mais ça, je trouve que ça correspond bien. C'est vrai. Yannick, je reviens sur la question de tout à l'heure, ton plaisir coupable, ça y est, là, la tu vache. Y es. Tu n'as pas y échappé. Hein. Putain, mais alors déjà, j'ai pas la mémoire des noms. Non, mais... Y a pas un truc que t'écoutes chez toi, ou... Je sais pas, de la musette... Vraiment pas. Si, en plaisir coupable, on peut dire que c'est Jean-David Harmonie. Ah, voilà. Le gros dave. Oui, voilà, oui. Le gros dave. Faut que je l'appelle. Qu'on l'embrasse bien fort. Bah oui, on va l'embrasser oui, très tout fort. Tout à fait. C'est le moment promo, là, j'ai envie de dire. Où on peut voir, où on peut écouter, où on peut voir, je dirais Facebook, Aya... Ouais, sur tous les réseaux sociaux... voilà, Spotify, Bandcamp. Sur Bandcamp, on peut acheter les disques et les vinyles, du coup, parce que ça sort en disque et en vinyle. En vinyle. On a des vinyles sur ce dernier album. Qu'on n'avait pas avant, là, c'est un peu la nouveauté. Ok, c'est du 45, c'est ça ? 33 ? C'est du 33. Ok, 33. Et il y a combien de morceaux dessus ? Il y a tout, bah, l'album. Eh bah, non, il y en a que 4. Parce qu'on n'a pas pu en mettre les 5, mais il y a un coupon de téléchargement avec... Voilà. Et je sais qu'il y en a... on en a déposé chez Acri Records à Nancy, au disquaire. Impeccable. Donc, c'est beau. Et en concert, il faut venir... bien sûr. Les choper, quoi. Exactement. Le 26 septembre à l'autre canal pour la release party. Tout à fait. Venez choper vos vinyles. On aura un petit coin pour ça. On a eu un petit peu de t-shirt, des CD, des vinyles. Trop bien. Pour tous les goûts. Qu'est-ce qu'on va s'écouter pour se terminer cette émission? Qu'est-ce que tu peux mettre? Tu peux mettre Dom. Dom, ouais. D'ailleurs, Dom, on a fait un clip sur ce morceau-là qui est en ligne depuis quelques semaines, là, maintenant. Exact. Je l'ai vu. D'ailleurs, on va en parler de ce clip. Ouais. Parlons-en. Qui a fait ça? Parce que c'est écrit c'est Antoine. Moi. Exactement. Il n'y a même pas ton nom de famille. J'ai vu le post et c'était écrit « Fait par Antoine ». Ouais. Qui est Antoine? C'est Antoine du groupe. c'est ça. Ouais, je me suis un peu lancé ce défi, on voulait faire un clip en indé, on aime bien faire les trucs tout seul. Et je me suis dit c'est l'occasion pour tester des choses, j'ai pris mon appareil et puis je tâtais un petit peu le logiciel de montage et j'ai pété des plombs, j'ai trifouillé plein de trucs sur le logiciel, j'ai passé beaucoup de temps dessus. Ouais, parce que ça fait un peu des fractales quoi, c'est Ouais, j'ai mélangé des plans, en fait, tu peux avoir des plans de n'importe quoi, tu vois, je peux très bien filmer ta super chemise d'ailleurs, Polo. Ouais, polo. Mais c'est pas Nathan, toi Yes. Bisous à Paul Feuille. Bisous à Paul. Et puis j'ai un peu fonctionné avec ce délire des deux miroirs, un peu, ouais, pour gérer le côté un peu psyché. Ouais. Et le son durant 9 minutes, T'as dû prendre... Combien de temps ça t'a pris Je pense que j'ai pas compté, mais je pense qu'on est sur du 150 heures, peut-être un truc comme ça. T'as pas eu mal aux yeux, un peu? Si, mais ça c'est assez récurrent, vu que je mixe pour le studio, sur ordi, c'est mon quotidien, quoi. Et Yannick, qu'est-ce qu'il pense de ce clip, alors? Ouais, il est incroyable, Antoine, il a fait un taf de fou. C'est gentil, merci. Pendant je sais pas, un mois ou deux, t'étais à H24 j'ai dessus. Quoi. Ouais, et puis ce qui est cool, c'est qu'on a fait aussi avec une danseuse là, du Ballet de Lorraine qui est venue danser, avec qui on a fait des plans. Qui s'appelle Malou, qu'on remercie Malou, d'ailleurs. Qui a fait un coucou, bon taf. Coucou Malou. Ah, c'est ça, la main, à un moment, qu'on voit. Ouais, la main, on voit sa silhouette, on la voit danser aussi, la tête. Trop, trop bien. Ouais, ouais, on était super contents de bosser avec elle. N'hésitez pas à aller voir leur clip sur Dom, c'est ça ? Ouais, Dom. Dom, et c'est disponible sur YouTube. Exactement. Aya. Et abonnez-vous à leur chaîne, bien sûr. Ouais, ouais. Ce que j'ai fait, quand même. Oh, le follower. Ah ouais, je suis un follower, moi. Je suis un grand fan à vous, faut le dire aussi. Cool. Vous êtes le groupe que j'ai le plus vu. Alors, messieurs, dames, je vais... Oh, mais avec plaisir. C'est un honneur de vous avoir dans l'émission. D'ailleurs, c'est le moment des remerciements. Je vous remercie énormément d'être venu. Sachez que l'Instant Groove va peut-être prendre un tournant grâce à Aya et que j'inviterai peut-être des groupes trans-rock. Peut-être. Et des groupes de rock aussi. Rock and roll, voilà. Et le rock. Merci les gars, merci à toi. Merci Lucie. À vous. Merci, c'était cool. Merci, c'était très cool de vous avoir reçu. Trop cool. On merci s'écoute. Beaucoup, des gros bisous. On s'écoute Dom pour terminer. Je vais rater, je crois encore. C'est lundi. Bisous les auditeurs. Thank you.